Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Alors depuis quelques jours, une rumeur Uncharted prenait de l'importance suite à un teasing de l'acteur canadien Nathan Fillion. Donc d'abord ça a pris avec une photo du chanteur Drake, où il y avait en légende, c'était sur Instagram, la devise de Sir Francis Drake justement, Sic Parvis Magna, puis une date, le 16 juillet 2018. Et le lendemain, Fillion a continué avec une photo d'un décor qui ressemblait à un décor très typé explorateur, avec toujours cette même date, 16 juillet 2018. Donc beaucoup de fans de la célèbre licence vidéoludique signée Naughty Dog fantasmaient évidemment sur une grande annonce concernant le film qui est en cours de développement chez Sony. Et le mystère a été finalement révélé donc hier, le fameux 16 juillet 2018, et il s'agit d'un court-métrage dans lequel la star de la série Castle joue le rôle du célèbre chasseur de reliques. Et avant de parler plus avant de ce fan film haute qualité, petit générique. Le projet d'adaptation ciné de la saga du studio californien Naughty Dog remonte à près de 10 ans environ. Sony ayant acheté les droits à l'époque et voulant développer un film via sa branche Columbia. En 2009, c'est David O. Russell qui se retrouve aux manettes. David O. Russell, c'est le réalisateur à qui on devait à l'époque Les Rois du Désert, un film avec Mark Wahlberg, George Clooney, et qui était un film très intéressant, très sympathique. Et donc là, pour le projet Uncharted, David O. Russell se retrouve attaché au projet et pour incarner Nathan Drake, on parle donc d'un de ses acteurs fétiches, à savoir Mark Wahlberg. Finalement, il y a des rumeurs qui courent, qui vont courir, mais on va jamais avoir beaucoup d'infos tangibles qui vont faire surface hein, sur ce film-là, comme beaucoup d'ailleurs de projets d'adaptation de jeux vidéo. Souvent, les licences sont achetées, mais en fait, après, elles restent souvent en pré-production et les projets tombent à l'eau. Par exemple, on a eu un projet BioShock Infinite à cette même époque qui était tombé à l'eau. Ici pour Uncharted, donc on sait pas trop ce qui se passe. Finalement, on va apprendre que David O. Russell, qui a eu un succès public avec le film Happiness Therapy, quitte le navire et il est remplacé par Neil Burger. Neil Burger qui était le réalisateur du film Limitless, qui n'était pas un film extraordinaire, et qui avait dans le rôle titre l'acteur principal justement de Happiness Therapy, à savoir Bradley Cooper. Donc le nom de Bradley Cooper pour incarner Nathan Drake va lui aussi apparaître sur la toile. Finalement, on va avoir pas plus d'infos que ça, on sait juste qu'au scénario, ce sont les auteurs du film d'aventure Benjamin Gates qui vont se retrouver au script donc. Mais il a encore peu d'informations et en 2014, Neil Burger, il annonce qu'il quitte lui aussi le projet à son tour et qu'il va aller s'occuper en fait du premier opus de la saga Divergente, une saga qui depuis est tombée dans les limbes elle aussi, puisque le dernier film prévu n'aura sans doute pas lieu ou alors il sera sous forme de film à la télé. Après Neil Burger, on prend un autre réalisateur et c'est Seth Gordon qui débarque. Alors, Seth Gordon, lui, c'est le réalisateur de comédie. Il a notamment fait la comédie qui était très drôle au demeurant, Comment tuer son boss. Donc lui, il arrive en 2015 et il va pas rester très longtemps puisqu'il va partir pour des raisons de différents artistiques. C'est souvent ce qu'on dit quand on s'entend pas bien avec les producteurs. Ce qui est assez rassurant quand on sait que Seth Gordon, par la suite, va réaliser Baywatch, qui était une pauvre comédie pour le coup avec The Rock et Zac Efron. 2016, un nouveau script tout frais, tout neuf est commandé par Sony et c'est Joe Carnahan qui se retrouve donc à l'écriture. Joe Carnahan, pour le coup, c'est un très bon auteur-réalisateur. Il a fait des films très efficaces, très solides comme Mise à Prix, Narc ou encore En Territoire des Loups. Et en fait, lui va se mettre à communiquer assez régulièrement en fait sur le film. On va avoir pas mal d'infos et des infos assez intéressantes. Il va même militer pour qu'on ait Nolan North, donc pour rappel, qui est l'acteur qui incarne Drake dans les jeux vidéo. Et donc Carnahan va même dire que lui, il aimerait bien que ce soit Nolan North donc qui incarne aussi le même rôle à l'écran. Pour le coup, évidemment, Sony, comme Nolan North n'est pas très connu, il n'est pas bankable, Sony n'a pas trop envie, donc on n'a pas trop de noms d'acteurs qui sont en fait collés au projet. Mark Wahlberg, c'est de l'histoire ancienne. On parle un petit peu de Frank Grillo, qui est un des acteurs qui joue dans la série des American Nightmare, mais là encore, peu de noms en fait sont nommés. Au niveau par contre de la réalisation, Sony annonce d'avoir engagé Sean Levy. Sean Levy, c'est le réalisateur de la New Musée et aussi le réalisateur et producteur de la série qui a le vent en poupe en ce moment-là, savoir Stranger Things. Donc là, le projet semble très bien lancé et comme je l'ai dit, par contre, il n'y a aucun acteur qui est encore vraiment annoncé. 2017, nouveau changement. Les pontes, les grands pontes de Sony, après avoir vu en screen test Spider-Man Homecoming, s'entichent vraiment de l'acteur Tom Holland et veulent développer un Uncharted avec un Drake adolescent. Et probablement pour initier une franchise, puisqu'à Hollywood maintenant, il y a vraiment un calcul de franchise. On calcule pas de faire un film, mais de faire des séries de films, pour faire un maximum d'argent et donc développer une fanbase. Donc ils vont officialiser en fait le jeune acteur britannique pour le rôle de Nathan Drake, et ils vont réclamer un nouveau script à Carnahan, donc en demandant de repartir de zéro. Pour le coup, lui, il va jeter l'éponge, et il va s'occuper en fait du prochain Bad Boy, qui est lui aussi en cours de développement. Sean Levy, quant à lui, va être maintenu à la réalisation, et depuis, on n'a plus vraiment de nouvelles. Plus de nouvelles jusqu'au fameux teasing de ces derniers jours de Nathan Fillion. Et là, tout le monde s'est enflammé sur la toile en se disant peut-être que finalement il y a encore un changement, Tom Holland va partir où il jouera un jeune Drake dans un flashback, et ils vont annoncer Nathan Fillion comme Nathan Drake dans le rôle principal pour le prochain film dirigé par Sean Levy. Donc, pas du tout, on va le voir, donc c'est pour un fan film. Il faut dire que Fillion a toujours été le favori des fans pour incarner le rôle de Nathan Drake. Déjà parce que Fillion, c'est un geek avéré, ça il s'en cache pas, mais aussi et surtout en raison de sa ressemblance avec le personnage de la saga Naughty Dog, notamment à l'époque où il joue le rôle du capitaine Malcolm Reynolds dans la cultissime série science-fiction de Joss Whedon, à savoir Firefly. Le capitaine du Serenity, comme le chasseur de reliques, partage ce même sens de l'humour et une propension à balancer des punchlines même quand ils sont en plein dans les emmerdes. Longtemps espéré mais jamais signé, Nathan Fillion a plus de 45 ans, s'est donc fait un petit plaisir en jouant le rôle que de nombreux fans ont rêvé le voir endosser, le temps d'un court métrage d'une quinzaine de minutes. Derrière la caméra et à l'écriture du scénario, on retrouve Alan Ungar, donc lui c'est un jeune réalisateur qui a son actif essentiellement deux films d'action, alors des films d'action plutôt bas du front qui font les joies de la VOD et du direct to vidéo. Donc c'est quand même quelqu'un qui est à l'aise pour les scènes d'action, surtout pour les combats à main nue. Et d'ailleurs, ces derniers vont reprendre la chorégraphie qu'on déclenche à l'aide des QTE dans les jeux, ce qui est amusant et qui est bien fait et bien vu. Par contre, pour les gunfights, il reprend la caméra TPS qui est inhérente au genre vidéoludique, mais ce côté un peu méta casse la fluidité en fait du court-métrage. Dans l'ensemble, le travail est quand même efficace et bien léché. De plus, les décors sont vraiment bien mis en valeur par une photo qui, sans être renversante, est quand même de bonne tenue, spécialement lors de la scène dans le bureau. La direction d'acteur, quant à elle, se contente de lâcher la bride au casting. Et dans le rôle principal, Nathan Fillion se fait vraiment plaisir. Et si évidemment il campe un Drake qui est un petit peu empâté, on oublie très vite cela grâce à son humour impeccable. Qui dit Drake dit aussi Victor Sullivan. Il est ici joué par Stephen Lang. Alors Stephen Lang, c'est un habitué des rôles de dur à cuire et souvent de salopard, notamment dans son rôle dans le Avatar de James Cameron. Lang a aussi par ailleurs joué dans Gridlocked, qui était un film justement d'Alan Ungar. Comme quoi le monde est petit. Sans Sully tient la route, même s'il flirte pas mal avec le cabotinage, notamment sur son utilisation un peu trop prononcée des cigares. Enfin, parce qu'il faut bien reformer le trio magique des jeux, nous avons également droit à Elena Fisher, qui est campée ici par Mircea Monroe, une actrice qu'on peut apprécier dans la drôlissime série Impastor. Le reste du casting se compose de gueules de ciné habituées à jouer les seconds rôles, voire même les troisièmes rôles, et ils font ici de parfaits hommes de main. L'action prend place du côté de Barra, au Mexique. Donc Barra, c'est une péninsule qui est bien connue pour accueillir de nombreux sites archéologiques, souvent avec des peintures rupestres. Alors même si ici, le scénario de ce fan-film ne va pas nous embarquer dans de la préhistoire, mais plutôt dans en fait des références qui datent du XVIe siècle. Grâce aux dialogues et indices qui apparaissent à l'image, on peut déduire aussi que l'histoire se passe entre Uncharted 2 et Uncharted 3. En effet, l'un des hommes de mer va mentionner les fées de gloire de Drake, l'Eldorado du premier Drake's Fortune, puis Kivira, les fameuses cités d'or qu'on découvrait dans Golden Abyss, l'épisode PS Vita, qu'il est ici agréable de voir référencé. Et enfin Shambhala, la cité himalayenne de Among Thieves. Il n'est pas fait mention d'Iram of the Pillar, ou Ubar, qui était la cité du désert qu'on découvrait dans Drake's Deception. De plus, on se rend compte que Nate porte toujours au cou l'anneau de Sir Francis Drake, anneau qu'il perdra dans Uncharted 3 justement. Et à la fin, nous voyons qu'Elena, elle, porte une alliance. Cela confirme donc que nous sommes entre les épisodes 2 et 3 de la saga. Au niveau de l'histoire, on reste dans la pure veine des jeux, puisqu'elle s'appuie sur des faits historiques réels, reprenant donc la recette lancée par Amy Hennig, qui était la creative director des trois premiers opus. Ici, nous partons sur les traces d'Alfonso de Albuquerque, militaire et navigateur portugais, né en 1453, décédé en 1515, qui fut notamment gouverneur des Indes portugaises quelques années avant sa mort à Goa. Cet homme, tout autant explorateur confirmé que fin politicien, avait amassé une fortune qu'il comptait amener à son roi, afin d'acquérir plus de pouvoir. Malheureusement pour lui, en 1511, son bateau va être pris dans une tempête et s'abîmer en mer. Albuquerque va s'en sortir de justesse. À la toute fin du métrage, Nathan découvre au travers de différents documents et d'une relique qu'il a récupérée, que le bateau ne contenait pas le fameux trésor lorsqu'il a coulé, mais qu'en fait le trésor est caché du côté des Philippines. À cette occasion, le scénario rajoute dans l'histoire une référence à Magellan, encore un célèbre navigateur portugais, contemporain justement d'Alfonso Albuquerque. Signe que même pour un fan-film, le travail d'écriture et de recherche a quand même été soigné. Ils vont aussi jusqu'à jouer avec le mot Trinité, ici avec le Trinidad, qui était le nom du vaisseau amiral de Magellan, lequel est le premier navigateur à avoir fait une circumnavigation. Le second à l'avoir fait une circumnavigation était Francis Drake. Là encore, un clin d'œil qui est bien trouvé. Dans le film qui nous intéresse, c'est donc après le trésor perdu d'Alfonso Albuquerque que court Nathan Drake ainsi que ses opposants. De ces derniers, on va pas apprendre grand chose si ce n'est qu'ils sont à la solde d'un mystérieux homme d'affaires. La force du court-métrage est de jouer avec les références aux différents jeux. Le scénario d'un Drake qui se laisse capturer pour rentrer dans une villa privée et récupérer des documents est directement adapté de Uncharted Eye of Inra, qui était un comic animé en 3 parties écrit par Neil Druckmann et distribué sur le PlayStation Network fin 2009. La séquence de torture durant laquelle Nathan balance autant de punchlines qu'il prend de coups est également présente dans Uncharted 3, au début du fameux niveau du cimetière marin. La révélation finale sur le bateau fait quant à elle écho à celle sur la flotte perdue de Marco Polo dans Uncharted 2, laquelle entraînait la bande à Drake du côté de Bornéo, et pour le fan film, ce seront les Philippines. Mais c'est toujours quelque chose qui se place dans la mer de Sulu. La façon dont il le découvre avec les différentes pages superposées les unes aux autres fait aussi référence à ce qu'il faisait dans Uncharted 4 A Thief End, où il était accompagné de Sully pour découvrir Libertalia. Là encore, c'était une île avec des pirates où ils avaient caché leurs trésors. Les références se situent au niveau de l'histoire donc, et comme dit au début de la vidéo, dans une certaine manière de filmer l'action, mais également dans les dialogues. On va retrouver des expressions classiques de la licence. Le pal ou encore oh crap pour Nathan, mais c'est surtout du côté de Sully que ça se lâche avec du wild goose, kid, I'll be go to hell, et ils vont même jusqu'à adapter presque mot pour mot ce que le vieux chasseur de reliques balançait dans Uncharted 4 lorsqu'il s'agissait de partir en Écosse. Le I do hear the weather is particularly fine in Scotland this time of year devient ici I understand the weather in Philippines is particularly fine this time of year. Au final, on voit que tout ce petit monde, que ce soit devant et derrière la caméra, s'est vraiment fait plaisir pour par la suite faire plaisir aux fans de la saga. Et c'est donc pour cela que nous nous retrouvons avec un fan film d'excellente qualité dont on ne peut être que ravi. La question étant maintenant de savoir comment vont réagir Naughty Dog et Sony. Alors les premiers risquent probablement d'apprécier le clin d'œil, d'autant qu'ils ne participent pas activement au projet d'adaptation en cours. Les seconds, quant à eux, vont-ils être attentifs ou non au retour des fans? Alors c'est difficile à dire, et s'il est fort peu probable qu'ils changent leur plan d'un jeune Nathan Drake campé par Tom Holland, peut-être auront-ils l'idée d'embaucher Nathan Fillion pour jouer un rôle dans la saga. Pourquoi pas un Sully quadragénaire, rôle qui pourrait lui correspondre, et à mon avis, c'est là que mon avis, ce serait une pas mauvaise idée. En attendant d'avoir plus d'infos sur le projet qui verra ou non le jour, on ne sait pas, profitons vraiment de ce court-métrage. Nathan Fillion, lui, reviendra bientôt sur le petit écran avec sa nouvelle série, The Rookie, où il joue le rôle d'un homme qui, après avoir été quitté par sa femme, décide de changer de vie et de réaliser son vieux rêve, devenir flic, et ce qui fait qu'à 40 ans passés, il va se retrouver parmi les bleus. Pour l'acteur canadien, un autre vieux rêve semble de jouer dans un film Uncharted. Est-ce qu'à 40 ans passés, ça sera là aussi le cas? Sic parvis magna, comme le dit la devise de Sir Francis Drake, la grandeur vient de débuts modestes, et c'est avec modestie et talent que Fillion a déclaré sa flamme à Nathan Drake. Y aura-t-il un retour? Nous le verrons bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous espérez, ce que vous avez pensé de ce fan-film si vous l'avez vu, ce que vous attendez ou pas de l'adaptation d'Uncharted au cinéma. Bref, n'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous voulez laisser un pouce vert et vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.